voulais briller, faire carrière dans le son. Raconter mon quotidien sur des beats sombres. Des heures perdues à gratter la feuille dans l'ombre. Avec le recul, je me dis à quoi bon. Je passais mes journées à tenir les murs dans le centre. A une Heineken là je parfumais l'air comme l'encens. Je voulais peser comme les anciens grossistes, obligés par d'autres options de carrière. Je voulais niquer la bague, comme ça et j'avais la haine. Je voulais marier cette fille, j'étais fou d'elle. Même si je risquais pas de le chanter comme ce vieux Faudel. Je voulais brûler cette vie, trop testo dans mes viscères. Je tenais la street comme un resto pour les viscères. Je revois encore le regard de crevard pour indigé. Musique indigeste, dédicace pour mes indigènes. Obligés, affligés par le décès d'un proche. Trouve du réconfort dans le shit et l'alcool sous le Porsche. Je voulais tout faire, tout vivre avant de partir. On a qu'une vie, putain ça passe trop vite. À quoi bon se mentir, torture de l'esprit. Peu importe les ratures, j'aurais pas changé une ligne. Tout faire, tout vivre, avant de partir. Qu'une vie, ça passe trop vite. Torture de l'esprit, peu importe les ratures, j'aurais pas changé une ligne. Je voulais le beurre, l'argent du beurre et surtout pas me faire serrer. J'avais de la bombe, j'avais le stock et les crocs à serrer. Je faisais partie d'une équipe de têtes brûlées. Je crois qu'on a tout vu et tout fait ou presque. Je peux dire aujourd'hui que je reviens de loin, bordel immortel. Je vais finir par le croire, immortel. Nos morts survivent dans nos mémoires. Appel de phare de l'au-delà, un BMK ou RS4. Les jours passent et le temps laisse ses marques sur mon visage. En dehors de ça, rien ne change. Les mondes veulent toujours la gloire, le cash des berlines allemandes. Inconscient, prend des risques pour trois fois que dalle. Impatient, vite à griller toutes les étapes comme s'il n'y avait plus de temps. Les mêmes faux départs à croire que les erreurs des aînés ne sont que de vieilles histoires. Du genre de celles que se racontent les mômes dans le noir pour jouer à se faire peur. Je voulais tout faire, tout vivre avant de partir. On a qu'une vie, putain ça passe trop vite. À quoi bon se mentir, torture de l'esprit. Peu importe les ratures, j'aurais pas changé une ligne. Tout faire, tout vivre avant de partir. Qu'une vie, ça passe trop vite. Torture de l'esprit, peu importe les ratures, j'aurais pas changé une ligne. Je voulais tout faire, tout vivre avant de partir. On a qu'une vie, putain ça passe trop vite. À quoi bon se mentir, torture de l'esprit. Peu importe les ratures, j'aurais pas changé une ligne. Tout faire, tout vivre avant de partir. Qu'une vie, ça passe trop vite. Torture de l'esprit, peu importe les ratures, j'aurais pas changé une ligne.